2008, yeah. François Lucie, 21 ans et des chemins différents. Dans le bruit de fond, il y a que des rébellions, des râleurs et des squatteurs et même des branleurs. Ceux qui croient un jour qu'ils profitent de moi pour toujours, et ben qu'ils vont se faire enculer et qu'ils arrêtent de me faire chier. Hey, Ferdinand n'a pas dit son dernier mot, je cherche seulement à faire l'impro, car je lutte pour mon dernier combat avant de partir combat. Mon statut clochard, comme le Titanic, je vais couler à pic. Comme un lover, je suis là ce qui pique ton cœur, mais ça sert à rien, puisque je suis un pauvre galérien. La vie m'a apporté que des ennuis. Excuse-moi, Jova, d'avoir une si mauvaise vie, où je passais bêtement pour un anus et langue de pute, on niquait ma race. Mais c'est vrai, frangin, pourquoi avoir échoué en bas de l'échelle? C'est là que les larmes de ma souffrance se sont mises à couler pour rien. Mon ex qui a fait la pute, elle qui est à l'origine de mes souffrances. Moi qui crois que le monde est stone, pour moi le monde ne se contente que de niquer. C'est le fait qu'on ressemble à de la merde. Pourquoi le mot amour a été remplacé par baiser? T'as raison Lucie, faut pas devenir une bombe humaine, car ce texte c'est tout moi, un mec qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Je voudrais que tu t'avances et que tu viennes apaiser ma conscience pour que tu aies confiance. Aux portes de l'hiver, je trace une ligne dans l'air de nos bulles de verre à ces cathédrales de poussière. Aux portes de l'hiver, je t'adresse. Que l'ennui qui me perd. Sur nos têtes, d'immenses nuages noirs nous empêchent de voir ce qui nous guette. Je regrette que nos vies qui passent s'ennuient dans l'espace. Comme des comètes perdus dans le vide, on danse. Je veux que tu saches que même dans le silence, il nous reste une chance. Aux portes de l'hiver, je trace une ligne dans l'air de nos bulles de verre à ces cathédrales de poussière. Je suis docile, enfermé dans ma coquille, à attendre qu'on vienne me chercher afin de pouvoir tout recommencer. Le jour se lève, il y a bien un jour où ces mots auront un sens. Avec toi, pour toi, j'écris ce morceau, car envers toi je saisis l'impro. Des fois je rêve qu'il y a bien un jour ton amour sera mien. Que ton amour sera mien. Yeah. Pour toi, Lucie. Yeah. Deux chemins différents. Pour toi, Lucie.